Thank you so much for being here today. Actually, I discovered a lot of your film in FICAM, so mm-hmm. It was a nice following to be here, for you to be here. And I just want to have the first easy question. Why? Where do you come? Why animation? And where do you come from to come finally to animation? I didn't really come to animation. I think I just, at the time in the 1970s, I came to film. And it just happened to be that the film was, I was manipulating it. So therefore, it was animation. At the time when I was growing up, it was in the suburbs of Laval in the province of Quebec. So at the time, there was not a lot of outlets for people that were 15 years old. So what I did was I started to take the family Super 8 films and smash them and scrape them and scratch them, and I had a Super 8 projector, and what I used to do was put the film inside the projector, and then we had the option of changing the soundtrack, because we had something at the time called Sound Super 8. So what we did was we changed the soundtrack, and I would put my own soundtrack on top of it, and I got, and lo and behold, I had animation. Abstract animation. And I didn't compare it to anybody. I didn't really know the films of Glenn Lai. I've seen the films of McLaren, but at that time I did not understand that they were drawn directly on film. So it was just a question of just a process of slowly finding animated cinema. Alors, donc, je lui demandais, qui était un peu la base, j'ai vu une grande partie des films de Cyrano Le Chêne, en fait, en entier, au FICAM. C'était quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, de les voir dans un seul programme et non pas juste un ou deux. Et donc, je lui demandais, bon, la question un peu facile, évidemment, de comment il est venu au cinéma d'animation. Donc, il me disait qu'en fait, c'était pas vraiment le cinéma d'animation, enfin, il n'était pas venu au cinéma d'animation, c'est le cinéma d'animation qui était venu un peu à lui dans les années 70. Il a plutôt été vers le cinéma, c'est ça qui l'a intéressé, mais déjà il manipulait en fait le film, il manipulait la pellicule, donc en fait il faisait de l'animation un peu sans le savoir. Il a grandi donc dans un quartier de Laval, hein, à Québec, et à l'époque, pour un jeune homme de 15 ans, il n'y avait pas forcément grand chose, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas ce genre de choses, et il a travaillé donc avec les films Super 8 de famille qui s'amusaient à détruire, à faire plein de choses sur la pellicule, et ensuite il les passait à l'intérieur du projecteur familial, et il avait la possibilité de changer de soundtrack. Merci beaucoup, de bande son. Je vais avoir des petites choses comme ça, de bande son, et donc il mettait ses propres bandes son, et voilà, d'un seul coup, ce qui apparaissait sur l'écran, c'était de l'animation abstraite. Et alors, il ne connaissait pas les films de Glenn Lai à l'époque, mais bon, plutôt de ceux de McLaren qu'il avait vus. Mais bon, là, vraiment, c'était un processus très lent, finalement, d'arriver vers ce côté abstrait. Je peux vous dire, on a dit qu'on allait faire cette présentation, et puis on n'a pas... on n'a pas fait de présentation avant. I'm just saying that we didn't meet each other before this presentation. So I knew you. I knew that website. I didn't know you. Oui, voilà, on se connaissait en fait avant, et voilà, pas virtuellement, comme quoi c'est intéressant, mais pas forcément, voilà, de vue. Maybe what we can do is maybe show one of your film. What do you think? So what I have to do is I have to I'm going to ask a question to you, and I'm going to try to show one of the film that you've done. I don't know if I have everything. Do you have a disk drive in there? Is there? Yes. Do you have see the new one? Do you want to see the one that's going to play? Is that okay? Yeah. Okay. Want to see? It's going to play on Friday. Donc, probably. Yeah. Donc on va voir en fait 1000 plateaux. On va avoir 1000 plateaux qui est donc en compétition ici même au festival. And I'm gonna ask you a question during. Okay. What you doing? We do the both. When I watch your film, okay. Do we want to set it up first? Do we want to? Well, yes. Let's. Okay. What do you prefer, actually? Well, I'm gonna explain how I came to this. Okay. Okay. But okay, you need to sit next to me. You have to sit here. Okay. Il va nous expliquer en fait. Il va nous expliquer comment on introduit un lecteur CD. Okay. Well, let me explain. I'm a driver. I'm a driver on film sets. Ok, oui, donc il a, vas-y. Ouais, USB qui est juste là, en fait. For the last 30 years, I've been a driver. Donc pendant les 30 dernières années, en fait, il a été un chauffeur pour le cinéma. For Hollywood cinema. Voilà, pour le cinéma hollywoodien. I think the last film I did before I said that's enough was Wolverine. I don't know if anyone's seen it. Voilà, I worked a couple days on Wolverine. Voilà, donc le dernier film qu'il a fait, vous avez tous entendu, donc hollywoodien, c'est Wolverine, hein, avant de dire, bon, ça commence à bien. So I said, you know, that's it. It was very boring. Extremely, extremely boring. C'était très, très ennuyant. And 10 years ago, it was boring. I worked 17 hours a day. That's my usual day, 15 to 17 hours. C'est 17h-15h par jour, yeah. Hein, travail sur les plateaux. So I have a lot of time where I'm just waiting. Waiting with a walkie-talkie in my ear, waiting just to do something. So I said, I'm not gonna spend my life and not create, because I was already making. Donc il s'ennuyait beaucoup, hein, et donc il créait déjà des films, c'était terriblement ennuyant, et il s'est dit non, je ne peux pas passer, il passait 17 heures par jour pour conduire des stars, etc. Il dit non, je ne peux pas passer le reste de ma vie à ne pas créer. So I built these boxes. Donc il a créé ces boîtes que vous voyez. Okay, you have to wait. Okay. First, so I built the boxes. Il a créé ces boîtes. Which is just a way to make a scratch film. So I'm driving, I'm sitting, the box is here. So the box is here, like, and then let's say Alexi gets in the car, and Alexi will say, what's that? Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc moi je suis assis, je suis le guest, hein, voilà, qui doit conduire d'un plateau, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? You could be an actor, you could be a director, or a producer, or a technician. It could be like, you're Hugh Jackman. Ok. Wow. Ok, imaginons que je suis Hugh Jackman. Ok, faites un vrai effort à ce niveau-là. Et donc je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est... I'm making a film in the car. Et là il me répond, je suis en train de faire un film dans la voiture. So the first thing is, where's the camera? Where's the actor? Where's the director? Where's all the things that are cinema? Et donc la première chose évidemment que la personne va penser, c'est mais où est-ce qu'il y a la caméra? Où est-ce qu'il y a les acteurs? Enfin, c'est ce qui fait le cinéma normalement, où ça se trouve tout ça. So, eventually, like I will say, you know, well, cinema is more than just feature filmmaking, it's more than just narrative filmmaking. Sometimes cinema is just this. It's one frame after another, after another, after another, of a slow manipulation. We call that animated cinema. Oh, I knew a guy, and Hugh Jackman or someone would say, oh, I knew a guy back in Melbourne who did that. I go, oh really? Oh, so you know what I'm talking about? Yeah, I thought he was crazy, blah blah blah. But the interesting thing was that everybody that sat in the car had a connection to something like this or something. Oh, or say, I remember Stan Brakhage, or I remember Frederick Wiseman. They all remember something that was not part of the Hollywood tradition that they were preaching. So this box became a sort of a conduit, a path to a world that I didn't know that they knew about. So it opened up a whole new conversation. So rather than talking about, oh yeah, X-Men, I really blah blah blah, we were talking about experimental cinema. Donc en fait, ce qui se passait, donc il y avait ce personnage, hein, qui était à côté de lui et donc qui lui posait cette question. Et d'un seul coup, voilà, Steven lui disait, il y a autre chose, hein, il n'y a pas que les longs métrages hollywoodiens, il n'y a pas que ça. Voilà, le cinéma, ça peut être aussi juste une boîte comme ça, comme vous voyez à côté. Et souvent, d'un seul coup, la personne faisait, travailler image par image, hein, etc. Et la personne faisait, ah mais oui, ça me dit quelque chose. Moi, je connais quelqu'un à Melbourne qui faisait ça aussi. Et, ça me parle de quelque chose. Et donc il disait oui, le cinéma c'est encore une fois autre chose. Et d'un coup les gens disaient je me rappelle Brakhage, Wiseman. Et donc il y avait tous les noms de réalisateurs qui disaient je pensais que c'était un peu fou quoi de faire ça. Enfin en gros c'était pas vraiment du cinéma, mais quand même voilà c'est présent. Et d'un seul coup c'était une rencontre entre deux personnes qui avaient rien, et plutôt que de discuter comme disait de X-Men ou de choses comme ça, en disant j'ai vu ce film là et de faire du chit-chat, hein, enfin voilà, de parler comme ça, enfin, d'un seul coup on parlait de cinéma, on parlait d'un seul coup d'une connexion qu'il y avait entre deux personnes, et cette boîte finalement c'était devenu un peu le conduit vers un autre cinéma que eux-mêmes connaissaient, se rendaient compte que eux-mêmes le connaissaient, et ce qui est pas le même cinéma que dont ils étaient justement les preachers, enfin voilà, les pasteurs, enfin, d'amener ce cinéma-là hollywoodien, mais d'un seul coup, ils se rendaient compte qu'ils connaissaient un autre cinéma. Yeah. So eventually, this box became a box about sharing. And it was just like when we see a film, it's about sharing me with you. This box was about them sharing with me what they knew about cinema. So this little box became more than just thus the tool to make a film became, it opened up new worlds for the people I was. Donc cette boîte est intéressante parce que plutôt d'être juste entre guillemets un outil pour faire un film, c'est devenu en fait ce qu'on fait ici et c'est ce qu'on fait quand on monte des films, c'est-à-dire le partage et l'échange entre finalement un public, le cinéma de Seven, voilà ce genre de choses. Et donc d'un seul coup cette boîte, ça ouvrait des nouveaux mondes, quelque chose qui était assez étonnant puisque finalement, voilà, il y avait une rencontre encore une fois avec ce qui faisait. Et donc on regarde cette boîte que so many stars looked at. Well, that's true. I asked them to actually sketch a few. Really? Yeah, I said one. You know. But I have a list at home, and this was supposed to be part of a book too, which was dialogues between me and the people I was sitting with, and you know, it was a big list, and you know, but now I have to remember them, I have to transcribe them. Donc je disais, voilà, on regardait cette boîte hein, donc, qui a été si importante. Enfin, il y a plein de stars donc, qui l'ont vue et disaient, oui, il y a même certaines qui l'ont demandé. Donc il y en a certaines qu'on travaillait elles-mêmes, qu'on a un peu fait des scratchs sur cette pellicule. Il a tout à la maison, il a des listes. Ça devrait faire partie d'un livre avec les dialogues notamment entre lui et les personnes qui étaient à côté de lui dans la voiture. And you even say something that... I don't know if it was a producer saying you can make a film. That's illegal. You can't do that. I can do what I want. If I can have a sketchbook, I can have this. You know, but do you have clearance? Do you have the right? And I go, what does it look like you? Donc en fait, il expliquait, c'est assez drôle parce qu'il expliquait qu'il y avait un producteur, enfin voilà, qui lui avait dit un jour, mais en rentrant, enfin mais. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais un film. Il fait faire un film, mais vous n'avez pas le droit. Enfin, c'est quoi? Enfin, vous n'avez pas le droit de faire ça de toute façon. C'est illégal. Et est-ce que vous avez les droits des films là que vous êtes en train de sur lequel vous grattez, etc. Et donc voilà, il disait, si je peux avoir un carnet de croquis et sur ce, pourquoi j'aurais pas non plus un film comme ça? Do look at the film and the reason it's called The Thousand Plateaus because it's a plateau, it's a film set in Montreal and here too. So 1,000 film sets, 1,000 plateaus. Okay. So et pourquoi c'est 1,000 plateaux? C'est parce qu'évidemment un plateau, c'est là où on fait un film. Et donc voilà, il y a eu 1,000 sur 1,000 tournages, 1,000 plateaux plutôt. Voilà, et c'est pas comme ça que le film a été fait. And there is a connection to Deleuze as well, meaning that I thought I was the only sane person looking out of my window, watching the insanity, lying to schizophrenic, knowing that it's all a facade. Et en fait, il dit qu'il y a une connexion un peu avec Deleuze, puisqu'en fait, il y avait vraiment l'idée de lui, c'était la sanité qui regardait, en fait, c'était la personne saine qui regardait toute l'insanité, en fait, tout le côté complètement fou d'Hollywood et de l'extérieur, en fait, de ce qui se passait, et qu'heureusement, lui pouvait voir ça et qu'il se retrouvait dans cette position du témoin de la folie extérieure du cinéma hollywoodien, et voilà, donc il était de l'autre côté. Experimental animation is going for a long way. I have this incredible book. An Illustrated Anthology. Donc voilà, il y a un livre qui s'appelle Experimental Machin, voilà, un classique qui est sorti il y a pas mal d'années. C'est maybe from what, the 70s or. I think so, yeah. Voilà, donc dans les années 70, où on parle beaucoup d'animation expérimentale qui est vraiment assez passionnant. When I look at all your films, we were talking about, of course, McLaren and Lenly, and I thought you were, I don't know, maybe it's a mistake, but more Lenly style and McLaren, because we talk a lot about McLaren, but yeah. I think you're right. I mean, I've been working on this idea that McLaren's films were much of, how can I say it? It was a cooperation. Well, his hand-painted films were a cooperation between him and the optical printer. Because the optical printer has a very, very huge part in McLaren's films, but Lenly's films, they were more direct. I found Colorbox to be, without any restraint, sort of beginning to end, just paint on film, but in every McLaren film I've seen, with the exception of Beyond All Care, a lot of them have a great deal of influence with the optical printer. Hen Hop, for instance, the reds in the backgrounds, the drop shadows, Blinky Blank is a really good example because there's a lot of still frames and a lot of slowing down of motion. But I felt that was a more of the son of Lenly. Donc je me demandais, en voyant ces films, j'avais l'impression qu'il était plus proche, on va dire, d'Alan Ladd, d'un Norman McLaren. Il me disait qu'en effet, notamment le travail de McLaren était très important par rapport à l'optical printer, hein, la machine qu'utilisait McLaren. Et il disait voilà, qu'en effet, à part, enfin, voilà, quand il voit Color Box, par exemple, de Alan Ladd, il y a quelque chose de beaucoup plus lâché qui le représente plus finalement dans son travail. Alors à part peut-être Big Undulker, hein, qui est pris en couleur de Norman McLaren, qui est, voilà, qui a peut-être un côté plus lâché quand il réfléchit à des choses comme An Hope ou Blink Into Blank, qui est un bon exemple, parce qu'il y a beaucoup de moments donnés où on accélère, on décélère, où il y a du ralenti, etc. It was more like almost sometimes, not a technician, but some, you know, really using, when you hear McLaren saying, it was always like kind of an experiment on really the technique. He looked like more fun, you know, kind of Lenny, like I said, yeah. Using, you don't, I mean, I don't see you, you know, well, you're using that kind of box, you don't use some technical huge thing like McLaren was using, you know, with all this for the sound and everything. Well, also for his image, like, you, most of us get the impression that he just has a box, that he just has a table with pegs, but what he actually has, and I've seen this at the NFB, it's a projection. It projects light onto a mirror, which goes down to a prism, which bounces back up to the drawing surface, so he can get accurate registration from the last frame he did to the next frame that he's going to do. So he has a book that came out that he wrote in 1949 that outlines the dimensions of the prism, how the table should look, how the light beam should, you know. So it's very technical, and, you know, it's something that didn't build on his own. The NFB has built it. Ok, donc je me demandais, parce qu'en effet, pour moi, McLaren, à côté, qui est un grand réalisateur, évidemment, on va pas, mais il y a cette idée très technique chez McLaren. Quand vous l'écoutez parler, vraiment, il parle beaucoup de choses presque mathématiques dans son travail. Donc je lui demandais, il me disait qu'en effet, il avait même vu, donc à l'ENF, hein, où travaillait Norman McLaren, bien sûr, la machine qui avait été mise en place et qui, en fait, permettait, donc avec un miroir, permettait de réfléchir l'image, en fait, qui était juste après. Et en fait, il savait exactement quelle était l'image qu'il avait réalisée avant, avant de faire donc la prochaine image. Donc c'était vraiment quelque chose de très technique. Il l'a écrit dans un livre, il a décrit ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire seul. Il avait besoin des techniciens de l'ONF pour l'aider finalement à aller vers ce travail-là. Me, that was one of the first films I looked at, and I said, you know, like, I can do this. It's not that hard. I mean, when I looked at McLaren's film, I couldn't figure out how it was done or why, how, what was involved. When I saw Free Radicals, I knew that it was simple and it was doable and it was probably a lot of fun. And I think that was 1979. Donc le premier film, alors j'essaie de. Le premier film, en fait, qu'il a vu, sur lequel il s'est dit, voilà, là je peux peut-être faire, je sais pas si c'est celui-là, hop. You have it? Yeah. Ah. Donc le premier film qu'il a vu, voilà, alors, et qui s'est dit, je peux peut-être arriver à faire ça, c'était Free Radicals de Len Lai, et là, en voyant ça, il s'est dit, ça, je peux peut-être réussir à le faire. Really, when you saw that, you just, you know, picked something and you said, yeah. Okay, let's. After doing it at home, I was in a session in a community college in Montreal, and then we saw Free Radicals, and I said, that looks really easy. That looks like, it's a nail and a black leader. But it works so, look how smooth, I mean, that's very, you know, it's like, it doesn't get better than that. It's so pure, and it's just so honest. And I said, that was my inspiration. Donc oui, quand il a vu, donc ce film-là était à Cégep, un comité où il pouvait voir des films comme ça, ils ont vu Free Radicals de Len Lai, et vraiment, il s'est dit, ouais, non, c'est vraiment faisable, il suffit, voilà, il faut avoir clou, enfin voilà, avoir quelque chose qui permet de gratter finalement. Il dit, on peut pas arriver à plus pur que ça, quoi. C'est vraiment d'une simplicité, mais d'une force. On peut pas arriver à plus fort, à plus fort que ça. Of course, when the people, you know, are confronted to abstract film, they always think, you know, it's, well, know, they just scratch like that and do anything they want. Thank you. Really? what do you, you know, say about that when you do? You know, people told you that. I was talking with somebody about this last night, and you were talking about the differences between a narrative film, a comedy animation, and an abstract. And I think what I said was, in narrative short film, it's a giving and a taking. Like, they give information, we ask questions, they give hints and clues, and we ask, you know, what's going on. But in abstract films, it's about sharing. And the only thing that we can really share when we're watching an abstract film is language. Because with language, we talk about what it means to me, what it means to you. So although the imagery has no basis, the only thing that we have in common is how we're talking to each other about what we're seeing. So yes, we're doing anything we want, but it's basically a door that's opening so we can talk. And that's what I think. Donc je me demandais, parce qu'évidemment, souvent, vous savez, l'abstraction, que ce soit cinéma, évidemment, tout le reste, souvent des gens qui vont dire, oh là là, mais c'est pas... voilà, c'est un peu n'importe quoi, ils font un peu ce qu'ils veulent. Il me disait qu'en effet, la grande différence, il en parlait hier soir justement, entre le cinéma narratif et le cinéma abstrait, c'est que le cinéma narratif, en fait, c'est pas vraiment une discussion, c'est-à-dire c'est plutôt, on donne des informations, le film donne des informations, puis nous on reçoit les informations, on sait, puis dans sa tête, on se pose des questions, mais voilà, enfin, c'est vraiment juste cet échange-là, alors que pour lui, dans le film, dans l'abstraction, c'est vraiment un partage, c'est vraiment plus un partage entre ce que le spectateur a dans sa tête aussi et ce que finalement le film propose. On est plus dans une idée de langage, s'il n'y a pas de base a priori, donc d'histoire, il y a presque quelque chose de plus fort qui est l'idée de se parler finalement de notre perception du monde, de ce qu'on pense du monde, et finalement, à travers cette représentation, ben, voilà, par l'abstraction. I say, if there's one thing that this box and this process has brought me, to the three words that I think are most important. We share words. Okay, and that box in the car, this film, we're sharing words. That's it. And I think that's the basis of all art. How many art exists where people don't share words, either written words or verbal words or words on the screen, words in a painting. It's all about sharing words. Ouais, vraiment, l'idée, hein, c'est donc dans ce partage des mots ensemble, quel art ne fait pas ça, quel art ne partage pas justement les mots, que ce soit des mots écrits directement là, comme ça sur l'écran. Ou, voilà, c'est ça qui l'importe et c'est ce qui a apporté finalement cette boîte aussi, c'est ce partage. We have a little thing, a story about Fikam that I'm going to tell about the audience. It's about, of course, Serge Bromberg. Coming in, j'étais donc au FICAM. On était au FICAM. Here? No, he's not. But it would be a great pleasure of it to be here. So you can talk about that. On était au FICAM. Len Lai, I call you Len Lai. That's all right. Steven venait de faire sa présentation. Et Serge Bromberg, donc ancien directeur du festival d'Annecy, artistique du festival d'Annecy, est rentré dans la salle, nous a regardé. Steven était à côté de moi, nous a regardé, a fait « Ok, maintenant faut partir, on va passer du vrai cinéma. » Devant l'auteur qui était présent, donc c'est un peu compliqué. It's really difficult to put abstract film. Now Marcel Jean is putting off limits and he tried to put back abstract film, but it's because you're not in animation. They say you're experimental. In experimental, they say maybe you're animation, maybe not. You're more in experimental than fiction. Well, festival. Well, I mean, this film's not in off limits. Yes, that's good. Yeah, you're right. I mean, personally, I don't see the designation of why something is here, something is there. You know, personally, you're screening a film. That's the best. It doesn't get better than that. But I'm glad abstract is back, because before I came here, I said, is this going to be the last time that anybody ever sees a hand-painted film in Annecy? I mean, it's a possibility. I mean, if nobody wants to do handmade films anymore, if nobody wants to take a risk, if nobody wants to find footage, it could be the last hand-painted film you see here. Donc en fait, Donc je parlais évidemment de cette problématique aussi. La petite anecdote par rapport à Serge Rambert, c'est juste comment on présente du film. Et je disais, bah voilà, il est expérimental, il est dans l'animation. Mais pendant des années, il n'y a pas eu des films comme ça, abstraits, expérimentaux, on va dire, au Festival d'Annecy. Et donc, il y avait vraiment cette idée de dire, bah, de revenir ici avec Off Limits. Et il me disait, mais Mille Plateaux n'est même pas dans le programme Off Limits. Mille Plateaux est dans le programme de court-métrage officiel en compétition. Et il n'arrive pas à comprendre. Pour lui, évidemment, l'idée d'avoir des gens, l'idée d'avoir des cases comme ça est compliquée. Il fait un film et l'idée de présenter finalement le film. Il était content de venir ici aussi avec le film en se disant, bah, après tout, peut-être que c'est la dernière fois qu'on va voir au Festival d'Annecy ce genre de film avec du grattage sur pellicule. Après tout, il faut qu'il y ait des gens. Alors, we will see that there is people who want to do that. Yeah, after, so. On en parlera à la fin, évidemment, qu'il y a des gens qui veulent faire des choses, qui vont faire des choses, qui font des choses encore sur grattage sur pellicule. Mais il disait, voilà, c'était un peu l'inquiétude de se dire, bah, c'est peut-être tout simplement la dernière fois qu'on va montrer, en fait, ici au Festival d'Annecy, ce genre de film. What I thought was quite interesting is... let's finish. Okay. The Serge Brombert part. Okay. Not to be too much difficult for him, but just what I thought was interesting, we have this other story in common, it's a Bill Clinton, of course, yes. Movie. I'm going to explain really quickly. Peut-être certains d'entre vous n'étaient pas là, il y a eu à l'ouverture, c'est juste par rapport au film abstrait, hein, un festival d'Annecy où l'ouverture, Serge Brombert dit sur scène, c'est exceptionnel, vous allez voir un film d'un cinéaste expérimental qui vient de très loin, des États-Unis, qui est caché, etc. Enfin voilà, et il fait tout un discours en plus en appelant Len Lai, Fischinger, enfin tous les grands noms, et on voit le film arriver sur scène, alors je l'ai en très mauvaise copie, et je ne sais pas sûr que ça marche, parce que j'essaie déjà de le montrer. Mais ça n'avait pas marché, j'avais essayé, je voulais pas évidemment. Il a cité les grands noms de l'animation expérimentale. Ah si, il l'avait, si, j'étais là. T'étais là ? Ah, tu te rappelles ? Si, il avait cité. Ah si, il avait aussi. S'il avait. Ouais, cela dit, c'était un scandale. Oui. Non, mais il avait cité. Si, je te promets, parce que j'avais été. J'ai commencé en disant, voilà, on ne passe pas, peut-être passer, je crois, mais les experts. Il disait, voilà, on ne passe pas que du long métrage narratif, tout ça, on passe aussi l'expérimental. Voilà. Et donc, il passe ça. That was it. Voilà, c'est le film qui est fait. Donc évidemment tout le monde dans la salle, everybody in the theater was like, yeah, it's not really good, c'est pas très bon. Oh, hein, on voit. Lost classic. Voilà. Alors que lui, il avait annoncé, alors vraiment, alors il avait pas cité Lenheim, il avait cité Reister allemand. C'est pas, je crois que c'est Fischinger. C'est qu'il avait cité deux noms au moins, de grands noms, voilà, d'abstraction. I think it was Rutman and Fischinger. Ok, donc Rutman et Fischinger, donc avaient été cités. In the grand style of Rutman. Donc, et en fait, ce qui se passe, donc il y a ça, et à un moment donné, on entend des coups de feu dans la salle. Bang, le personnage qui était le cercle, je sais plus quoi, parce qu'il y a qu'un cercle. Enfin, c'est vraiment du basique, assez lamentable. Voilà, et on a le personnage, le carré, qui vont. Yeah, when the final credits came out, and that's where I realized that we've been. Voilà, vous avez vu le geste qu'a fait Steven, ça veut tout dire. Et en effet, donc il y a ça, il parle au public en disant, mais c'est scandaleux, nous aussi, il faut qu'on vive en tant que personnage abstrait, vous ne vous rendez pas compte, on a une famille, etc. Et le générique final, la fin ne marche pas bien, the end doesn't work really good, actually, I didn't, you know, I didn't buy it, of course, because I didn't want to, you know, put from the internet, I didn't want to give money for that. Donc évidemment, je l'ai téléchargé, je voulais pas donner de l'argent. Donc le générique va arriver. So everybody was, tout le monde rigolait quand même dans la salle. Pas tout le monde, heureusement, il y avait des personnes. Dans Steven, on était juste furieux de ce qui se passait dans la salle, mais voilà, il y avait ça. Et le générique final arrive. Et en effet, on voit arriver sur l'écran. Yeah. Voilà, alors Biljana Labovic, déjà pour ceux qui connaissent, c'est en effet un personnage. Et alors là, on a, il joue avec l'idée fondée par, funded by, like, all abstract films, voilà, tous les films d'abstraction sont uniquement fondés par ce genre de choses. Yeah, the Fellowship for Masturbatory Indulgence. Yeah, voilà, c'était vraiment le... Et était strip, donc c'était vraiment horrible. Et voilà, le nom de Plimpton arrive sur l'écran, et la moitié de la salle, malheureusement, une moitié, half of the laugh, you know, really, they fait, oh yeah, that's a, c'est un bon truc qu'on a fait, le film abstrait. Une paille, pas la moitié, mais une autre partie. Bon, voilà, nous étions quelques-uns et absolument scandalisés, sans dire, mais quel horrible massacre ont été faits. But you have some humor, because you did something. Yes. You want me to tell you? Yes. Okay. Mais Steven a l'humour et voilà, pour combattre ça, il a fait quelque chose. Do you have the other one? I hope so. Juste une question, si finalement ce film qui était passé, c'était une commande de Bromberg à Plimpton, c'est une démarche de Plimpton individuelle? Alors, moi, je crois que c'est Bromberg qui l'a demandé à Plimpton. Do you know if it was commissioned by Bromberg to Plimpton, or it was a Plimpton who said, come on, let's do that for 12 years? I think Plimpton said, come on, let's do it, and Bromberg says, if you do it, I'll play it in the opening ceremony. That's what I think. He may have gotten some funding to help, but I know that they said, okay, you do it, and we will show it. Voilà, donc comme il a dit, en fait, voilà, c'est plutôt a priori Plimpton qui a dit bon à Bromberg, qui sont deux, on le fait, et fait oui, si tu le fais, bah, je le mets même en cérémonie d'ouverture, comme ça on va bien s'amuser. Alors, ok, let's. Do you have? Yes, I have. I don't. Okay. Do you remember on DVD which one is which? It's 8, no, but it's. You have, yeah, number 8. Yes. Ok. There's no menu. There is no menu, no, actually. Titre, yes. But I can talk while you're finding it. It's 157, or? Yeah, could be, yeah. Do you want me to talk while you... Yes, but I'm not... That's the one? Yes, the one. Okay. Donc, on improvise, hein? It's improvisation, but that's cool. See, it starts with a talk, too. Yeah. Donc... Voilà, donc, on va vous en parler un tout petit peu de... Oh, do you want to show the film and maybe... It's no, one film? I'll okay. Okay. Donc on va vous en parler un petit peu, puis vous allez voir en fait ce qui va se passer. What I did was, I was donc il était très en colère, évidemment. So I created a, what do you call it, an archive, a cartoon library. Imaginary cartoon library. Donc il a créé en fait un archive un peu exceptionnel, voilà, pour les dessins animés mais imaginaires. C'est lui qui a créé voilà cette association là en fait. Donc il a créé le site internet, enfin tout était vraiment très très bien créé, voilà. I contacted Bill Plimpton saying I want your Oscar nominated film Your Face to be the first film in our grand collection. Et donc il a appelé Plimpton en lui disant voilà, j'aimerais avoir votre film Your Face dans la je veux que ça soit le premier film dans notre collection. Yeah. Nominé aux Oscars. So, he said, "Okay." Bien sûr, il a dit oui, bien sûr. So, $30. I gave him $30. Donc voilà, $30 qu'il a envoyé. And he gave me a 16 mm print. Et il a une copie de 16 mm. Et donc il a pris cette copie 16 mm, il l'a coupé comme ça, vraiment un grand plaisir, parce qu'il était très, je ne l'ai pas dit, mais il était vraiment très en colère en sortant de cette séance. Donc il a collé des morceaux de film aussi. And that's what you're gonna see. Et voilà, c'est ce que vous allez voir maintenant. Thank you. and creativity to that film played the next year in the Panorama at Nancy. Voilà, et le film a été présenté l'année d'après au Panorama d'Annecy, but because you told Serge Bromberg that it was showing in Ottawa also, mm-hmm. and yeah. told him. Well, I sent him a copy, and I said, as you, and I timed it, so I said, as he opens the letter, as you read this letter, it is playing now at the opening, not the opening, but in one of the competitions in Ottawa. It's like, I played it in Annecy. Donc voilà, en fait, il avait envoyé le film avec une copie à Serge Bromberg en disant, ben voilà, pendant que vous lisez cette lettre, le film est présenté en ce moment même à Ottawa en compétition. Évidemment, Bromberg n'a pas pu faire autre chose de le passer en Panorama. But then Plimpton is such an, you know, that he likes actually that your film is played with his own film. Yeah, so that was part of they traveled together. But I say, let this dialogue continue. I said at the time, if people want to add to it. That's why it was called Spiral and Rebuttal. If there's a counter-rebuttal, let's go. Voilà, l'idée, parce que évidemment, Plimpton aime bien qu'on parle de lui, donc bah, montrer ce film-là, enfin montrer les deux. Donc c'est devenu souvent, les deux sont montrés, et il disait, bah voilà, il y a donc Spiral qui était le film de Rebuttal, donc les deux films, en fait, et l'idée qu'il y a un contre-Rebuttal, même, enfin voilà, qu'on aille vers autre chose, et qu'il y ait toujours ce dialogue finalement entre les films. Pour lui, c'est très bien, au contraire, il faut qu'on continue ce dialogue-là. Mm-hmm. There is a lot of interesting things. We're going to talk a little bit more about, you know, about abstract, and we're going to go to how you do this film, how you manage to do the film. First thing you told me in FICAM, it was really interesting that why festival don't use this little thing better than, you know, this little stupid comedy short film as relief during a whole competition, hard competition. It's really something that you believe that we can put this abstract 2-minute film just for people to enjoy other things. You mean in a competition? In a competition, yeah. Well, I think smart programming does that. I think this is why I screen a lot of films, is because not because it's a groundbreaking film, but it's just that in a program, you need films like this. You need short, breath of fresh air, maybe just something to clear your mind. You can't have everything like father and daughter. You can't times 10. You know, you need a little diversity, and I think these films are a good example. I think my words to anybody that's making films and wanting to submit them to festivals is think in terms of how the program will look. If you do, you know, the heart-wrenching, you know, mega epic, you know, it's great, yes, but if you feel that you just want to do a film that's just light, maybe funny, there's room for it. I think there's room for all types of films in a program. I think that's what makes a program interesting for the audience. Donc oui, je posais la question et je trouvais son discours intéressant. Souvent, quand on parle de petits films comme ça pour un peu faire du bien aux spectateurs, on va dire, souvent on parle de comédie. Et Steven disait qu'il trouvait ça intéressant justement d'avoir ce genre de film pour faire des pauses. Et il disait que pour lui, en tout cas, un programmateur intelligent faisait déjà ce genre de pauses, évidemment, avec ce genre de film. C'est un peu comme... il dit bien, hein, ces films ne sont pas forcément des films, des chefs-d'œuvre, ce n'est pas forcément des choses qui sont d'un seul coup... renouvelle le cinéma ou le cinéma d'animation, mais l'idée c'est d'avoir une respiration à l'intérieur d'un programme comme ça, et on peut pas avoir, il parlait de père et fille par exemple, du Michael Dudogville, on peut pas faire que des films comme ça qui sont déchirants, qui sont tristes, et c'est bien aussi d'avoir des films qui sont légers, qui sont qui donnent du plaisir, et qui sont, il disait lui-même, donc légers et drôles. Yeah, but that's funny because that's the same thing that people say for Bill Plimpton movie, you know, and asking him to do that, so... I say let Bill Plimpton movies have a room in the screenings, too. I mean, when I started going to festivals, you know, festival screenings, yeah, there was a Bill Plimpton film, and then there was a Petrov film, and, you know, there's a big variety of things. I mean, and then you want to walk out of that cinema saying, I like this, oh, but I like this, oh, but does this have, is it right to have this and this? I mean, you know, this is sort of thing that brings up the dialogue in us to go to festivals in the first place. Donc oui, je disais, pourtant c'est ce qu'on dit aussi des travaux de Bill Plimpton, il dit bah, bien sûr, mais il faut que les films de Bill Plimpton bien sûr, soient montrés en festival, et c'est cette idée de diversité, quand il allait en festival au début, il y avait un Plimpton, il y avait un Petrov, enfin voilà, il y avait toute cette diversité finalement du cinéma, c'est ce qu'on a envie de voir dans un festival, et sortir de la salle en faisant, ah ben moi j'ai aimé tel film, moi j'ai pas aimé tel film, et donc de, voilà, d'avoir, c'est encore une fois, hein, je crois qu'il insiste là-dessus, c'est quelque chose d'important, le dialogue qu'il peut y avoir, et même le dialogue dans ce cas-là entre différents genres. How do you, when we look at your film, of course, we think, is in using the music first? That's one of the basic questions, or does he have the, you know, the scratching already done? So how do you do? And I think about 80% of the films, the music is first. The music was written a long time ago. What I do is I listen to the music that I like, I digest it for a few years, and eventually an idea comes to mind. In the case of Mill Plateau, I had the music first. What I did was, because my music is on a, how would you call it? It's on magnetic tape that's perforated like the film. And so what I'm able to do is I calculate how many frames of this and how many frames of that, like a line does this for 6 frames, then three circles for 12 frames. And what I do is I make a sheet and I make note of where everything falls in terms of the music. And then it's just a simple matter of counting the frames in the box to see where I should be next. It's just, it's the way, it's the same way that all the cell animators worked in the Hollywood system, in Warner Brothers and Disney. The dialogue was recorded first, they make a dope sheet, and the dope sheet is translated to the cell. And it's really no different, but yeah, the music does come first. There are some cases where it's a silent film, or and then I'll just put a soundtrack on later, but I do love it. Donc je lui demandais évidemment, c'est un peu une question un peu évidente hein, quand on regarde des films abstraits, est-ce que la musique vient en premier avant ou est-ce qu'il a les images? Et en fait, non, il disait 80% du temps, la musique vient en premier. C'est souvent des musiques qu'il a écoutées il y a longtemps. Il prend du temps, il les digère et à un moment donné, une fois que voilà, c'est passé, il espère avoir une idée, peut-être la bonne idée pour se mettre en pour faire un film on va dire et bah, par exemple pour Mille Plateaux si c'est passé hein, il a la musique est venue bien en premier il a en fait il a c'est un peu comme de la pellicule c'est-à-dire sur Magic Tape sur une enregistrement magnétique le son et en fait il sait exactement bah, voilà combien il y a d'images hein, d'images exactes et donc il sait par exemple s'il a 6 lignes pour faire un trait 12 lignes pour faire des cercles etc et il sait exactement là où il doit arriver au moment où il doit arriver c'est un peu comme de toute façon une animation traditionnelle qui peuvent se faire hein, évidemment chez Disney ou chez n'importe gros studio il y a d'abord les dialogues ensuite on fait dub sheet je sais pas quel est le terme en... une détection merci détection et ensuite bien sûr bah voilà on met ça sur la, à l'époque le cellulite enfin voilà on travaille et on réfléchit sur exactement où tout doit se trouver là c'est un peu la même chose c'est avant tout la musique de temps à autre il y a des films muets qu'il a et sur lesquels il va rajouter la musique par la suite mais c'est plus rare. The thing is you said that you have a kind of a narration in your head on what's going on exactly, and you know that it's going to be, oof, that's the part of the narration really high, and then it's going down and up again, and you have that on, in your head. Well luckily, in a lot of music we all hear, that music is just not a monotonous, kind of, unless you're an experimental musician, you know, music itself has its highs and its lows too. In classical music, there was always, you know, the beginning, and there was the middle part, which was just sort of a reiteration of the beginning, and then they had the coda, you know, at the end where it's just kind of a recap. So music and film have a lot in common is that they go through different, like a roller coaster. There's the highs and the lows. And so I'm choosing music that I really find has a lot of diversity. Jazz has a lot of diversity in it. There's parts where everybody's playing together. There's parts where one instrument is standing out from another. So this kind of diversity translates very nicely into abstract films because that means you're just not watching 3 minutes of monotonous, like a color storm. You're actually watching something where there's a lot of activity, there's and then there's a little bit of activity. So it gives you, it's a nice mirror. The two mirror each other very nicely. Donc je lui demandais en effet comment il travaille, parce que lui-même, quand il parle de son travail, souvent c'est intéressant, il dit qu'il a, il a une narration dans la tête. Il se dit, tiens, ça va être le moment culminant, puis après on va descendre, puis on va revenir, etc. Et donc il travaille beaucoup comme ça. Et donc il disait, la musique avait déjà ça, de toute façon. Et à part si on prenait un cinéaste expérimental, par exemple, et donc on peut avoir quelque chose d'assez monotone comme ça, il y avait déjà ce jeu dans la musique classique, par exemple. Vous avez un début qui est une introduction, puis vous avez quelque chose qui va aller un peu plus loin, vous avez le coda, vous avez à la fin quelque chose qui va répéter tout. Donc voilà, vous avez vraiment tout un travail au niveau musique classique. L'idée, c'est que c'est comme un... Toujours ces termes qui est roller coaster. Une montagne russe, voilà, merci. J'ai fait le geste au moins, comme ça, voilà. Une montagne russe, et donc on va en fait absolument dans plein de sens différents. Et par exemple, le jazz, pour lui, est quelque chose de très intéressant, puisque en fait, il y a cette diversité. Des fois, tous les musiciens vont jouer ensemble, puis il va y avoir un solo d'un seul coup. Et donc, d'un seul coup, ce jeu entre à l'intérieur de la musique correspond bien. C'est comme un très bon miroir par rapport à ce qui va se passer aussi dans l'image et dans l'abstraction de l'image. In the Oddbirds screening, the McLaren and Al screening, there's a film of mine called Cameras Take Five. And to give you an example that I find in Brubeck, in Take Five, that there's a lot of narrative there that you know, like if you really wanted to, it could be about an interplay of one line and another line. And that's what I tried to get across in Cameras Take Five, that it's abstract, but yet, there's a kind of a like a little passion play going on, but in a very minimal way. So if you go see the Oddbird screening, I think it's maybe one today and there's one on Saturday. Donc il y a l'un des trois programmes qui a été fait autour de McLaren, et donc avec des films pas uniquement justement de McLaren. C'était l'idée, je pense, de Marcel Jean, de montrer aussi comment l'héritage de McLaren aujourd'hui est mis en place. Et donc il y a un film qui s'appelle Camera Takes Five. De Steven, qui vous verrez l'utilisation de la musique de Dave Brubeck, c'est la musique de Dave Brubeck qui d'un seul coup il a trouvé beaucoup de narration à l'intérieur de ce morceau, et en fait beaucoup d'activités comme ça. Et en fait l'idée, c'était qu'est-ce que je pourrais dire là, une phrase plus une phrase, enfin voilà, de réfléchir sur comment mettre en place ça. Et donc si vous allez voir le programme, qui je crois joue donc peut-être aujourd'hui et sur samedi, vous pourrez voir cet exemple là. Another one, I don't remember which one is it. It's the Hendrix one. Do you know the Curse of the Voodoo Child? And do you remember which title on the DVD? Oh, the one you did in Magnus, actually, but I'm not sure. It's you remember the time? It's It would be 4 minutes. Okay, I think that one. If not, it's the other. Ok, j'essaie juste de trouver. It's another 4 minutes. Maybe it's 3 minutes and 47 seconds. Maybe it's number 11. No. Ok. But you see how many I've made. Mais je vous promets que c'est vraiment. I can't think of the word. It could be 4 minutes and 11 seconds. No, but it's quite interesting to look at that, because again, pardon, we'll do it in French. C'est très intéressant de voir tous les films. Si vous avez l'occasion de voir vraiment tous les films en entier, c'est vraiment passionnant, parce qu'en fait, vous comprenez justement la force. C'est-à-dire, quand vous en voyez un seul, pour moi en tout cas, hein, c'est ce qui s'est passé dans le spectateur, en voir juste un seul film, je me suis dit, ok, c'est intéressant. Mais d'un seul coup, de voir toute la diversité finalement du film est intéressant. I say again about the FICAM session, that when I saw all your film, I thought, that's more interesting even than just to watch one film. And then suddenly I really discovered all the wide range of, you know, creation. Well, what I think is that I like hand-painted films, but I'm trying to do a lot more than that. And what I'm trying to do is turn my practice into sort of like a laboratory, where it's like I would sit, oh, okay, I've never tried doing this, so I want to do a film where I try this technique or another technique. And it's really neat, because when I look at all the films together, it looks like Well, like if you walk into a museum and you're not going to watch see the same painting, unless you're Andy Warhol. But there's got to be diversity. There's a diversity in my life. I have different moods, different feelings every day. Why shouldn't there be a diversity in the kind of films that I make? They're all handmade, but different types of handmade film. One scratching, a painting, a bricolage, batik, a whole bunch of styles that I'm trying to translate into a cinematic. L'idée, donc, hein, je posais la question, moi, vraiment, bah, parce que ce que je vous avais dit par rapport à tout le programme, et en fait, l'idée, c'était vraiment de, comme il dit, mais de toute façon, quand vous rentrez dans un... C'est important pour lui, hein, la diversité, quand vous rentrez dans un musée, bah, à part si vous êtes Andy Warhol, vous faites la même toile quasiment, bah, voilà, il y a cette idée de diversité, cette idée de multiplication, finalement, d'images, et... il disait, ben voilà, c'est, pour lui c'était important, et c'est pas parce que c'est, tout sont faits à la main, on va dire, ben, vous pouvez faire, voilà, et ça peut être du scratching, enfin voilà, ça peut être du grattage, pardon, ça peut être de la peinture, ça peut être, mais il y a tout un mélange, on va dire, de techniques qui est important pour lui. Je suis en train de réfléchir, it's going so fast, it's already 12, so it's going... Well, if you let him play, because you'll see that there's just like so much. Je suis sûr qu'il y a plein de choses que j'ai pas dit. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport au travail de Steven? I will see if there is some questions. Okay. Well, so I have one question. Yes, I would like to know if thinking about your style, do you think at the beginning about form language or just about colors, or you let your inspiration go? What I'm really thinking about a lot of times is how can I express what I'm hearing in a different way? Or how can I have, like, first of all, I have two things going. One, I'm trying to build a toolbox of styles and methods. And the second thing is how can I take what I'm listening to and take something out of that toolbox to use it. So it's like, I remember, I know artists like Picasso, I'm not going to compare myself, but he had different methods of explaining different, like in different periods and different ways of utilizing art, ceramics, cut out on paper. So I'm just trying to take another idea that I've tried in the past and apply it to sound that I hear in the present. You know, basically build a toolbox of ideas. Okay. I just confused. I'm sorry. No, yes. Yeah. Donc la question c'était. Par rapport à la variété de ses styles, je voulais savoir au début si il commençait par réfléchir au langage des formes ou juste en termes de couleurs. Donc voilà, donc la réponse était qu'en effet, il cherchait. De toute façon, c'est toujours la même chose qu'il cherchait, hein, en écoutant une musique, comment il peut exprimer quelque chose sur cette musique. Il a ce qu'il nous dit, hein, souvent l'idée de boîte. Alors bon, c'est pas une boîte comme ça, là, c'est plutôt sa tête, il a une boîte à outils. Et en fait, il se pose toujours la question de se dire, voilà, ce que j'écoute, qu'est-ce que dans ma boîte à outils va me permettre finalement d'exprimer quelque chose sur ce que je suis en train de sur ce que j'écoute et sur ce que j'ai envie. Alors, il citait Picasso, il va pas se comparer à Picasso, hein, mais l'idée c'était de se dire, ben voilà, il avait différentes méthodes pour raconter ses différentes périodes, tout ce qui est collage, céramique, etc., etc. Il pouvait dire exactement là où il allait, enfin voilà pourquoi il avait fait ça. Et donc il y a vraiment voilà cette idée en fait de prendre, encore une fois, il répète, cette boîte à outils. Et de voir ce qui est à l'intérieur, ben, peut faire fonctionner finalement cette idée d'exprimer encore une fois quelque chose. Je suis troublé parce que j'avais une question en tête et j'ai perdu. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Of course, when we talk about that kind of technique, we always, I mean, the question about you know, how do you do it is interesting. Do you have a kind of a storyboard or something like that, and you put, and you know, or you just I think the closest I can say is that, has anybody ever played live music? Parce qu'il y a des gens qui ont joué de la musique concert en live, ouais, il y en a quelques-uns. So when you're a musician and you're going to go on stage, you've got to rehearse what you've done or what you're going to do. So what I do is, it's the same thing. I kind of listen to the song and I pretend I'm playing along to it, but but without not an instrument, but with a pen and ink. So what I've made a claim to myself is that I will never cut in the film. So what I start with, I have to live with it until the end of the film. If that makes sense. You never did editing. It's like, okay. Unless it's a found footage film, all editing. But the film's like the one competition. It's all beginning to end because I have to live with the consequences. Just like a musician on stage has to live with the mistakes. And if you make a mistake, you just go on. C'est intéressant. Donc il demandait, donc je demandais est-ce qu'il avait un storyboard, est-ce qu'il y avait quelque chose sur lequel il se basait, et il disait non. Donc il demandait s'il y avait des gens qui avaient déjà joué en concert comme ça, en live, enfin voilà, s'ils avaient déjà fait ça. Et il disait, bah, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on répète beaucoup. Voilà, on répète avant de monter sur scène. Et lui dit en fait qu'il écoute la musique et il accompagne la musique. C'est comme si c'était un instrument en fait en plus. L'idée, c'est qu'il accompagne la musique avec ses images. Donc voilà, il répète dans sa tête comme ça. Et à un moment donné, il s'y met, et quand il s'y met, c'est comme s'il jouait en gros en concert, en public. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de montage. Il doit vivre avec ce qu'il crée. Et donc, il va faire une partie du film, et même si ça ne lui plaît pas, c'est un peu comme en concert, c'est un peu comme un musicien qui fait une fausse note. Il faut qu'il continue, en fait. Il faut vivre avec cette fausse note qu'il vient de faire. Il ne peut pas revenir en arrière. Donc, il y a vraiment cette idée d'instantanéité. That's amazing, because nowadays animation, and we're going to do something on Saturday about that, losing this spontaneity. I mean, losing, because you always watch at your computer and saying, I can do that better. I can do better, I can change it, or you upload it, ask your friends, this is good, is it good, you change it, you know, and then you're always changing, you're always, I talked about something last night, that, you know, we're always tweaking it, we're always changing it, we're all never sure, we're losing our confidence. Too, that you know, we, you know, to trust our own instincts, and I said, no, look, it's full of mistakes, but I see them. I mean, but the mistakes is what makes them me. You know, that's the way. We should say that to all the students when they begin. Donc, je demandais, je trouvais ça assez étonnant, et on fera une on en parlera dans une conférence samedi. Si on et là, ce sera avec plaisir, j'ai pas le temps de le voir, voilà, qui viennent, donc je l'invite en direct, voilà, sur cette perte du geste, on va dire, cette perte du geste, voilà, qu'on donne et qu'on n'a pas forcément, qu'on ne peut pas forcément corriger avec l'ordinateur. Et on disait, ben voilà, il disait, oui, tout à fait, aujourd'hui, ben, il y a tellement la facilité, on reprend, puis après, on va le télécharger, on va le mettre sur un site, on va le montrer à des amis, est-ce que tu trouves que c'est bien, etc. Et on va toujours essayer de le changer, toujours essayer de le modifier, finalement. Et en fait, quelque part, il y a l'idée de perdre la confiance qu'on a dans son propre instinct. Il dit, il y a plein d'erreurs sur les films, je les vois, je sais que les erreurs sont là. Mais les erreurs, c'est ce qui fait moi, en fait, c'est ce qui fait moi, c'est ce qui fait que ce film est le mien, et non pas celui de quelqu'un d'autre, c'est justement grâce à ces erreurs. Et je disais, ça vient de dire, en effet, aux étudiants qui commencent, où on est vraiment dans une vraie réflexion. Alors, encore Thibaut, et ensuite Yves. I kind of agree with you, but I don't know if it's linked to your technique or not, because I think that if we see a movie in 3D, for example, and the rendering bug, and or maybe there is a bad animation or a mistake, we will directly think that it's a bad movie. Well, you know, when I'm in the audience watching your film or somebody else's, I'm not looking for the mistakes. You know, I think that's the problem, is that we're really like, oh my God, I'm not looking, like, there's probably a lot of mistakes, but I'm not looking for it. I'm looking for somebody's voice, you know, what, you know? That's the thing, is that I didn't see your film 100 times or 50 times. It's the first time I've seen it. So most of the time, everything that you're complaining about is over my, it's like, because that's not what I'm looking for. Donc la question est intéressante, évidemment. La question, c'était, est-ce que c'est inhérent à cette technique, finalement, cette possibilité de jeter comme ça? Et quand on regarde un film un gros studio, même un grand métrage, est-ce que justement on ne va pas les erreurs et avec tout ce qu'il y a à faire, le compositing, rendering, etc., et dire oh là là, ça c'est vraiment une erreur, ça c'est vraiment pas beau. Et Steven disait que en fait, c'est, quand il regarde un film pour la première fois, il ne regarde pas les erreurs, il ne cherche pas les erreurs. C'est pas, ben voilà. Et c'est peut-être l'un des grands problèmes qu'on peut avoir, c'est toujours de vouloir chercher l'erreur. Il cherche une voix, il y a quelqu'un qui lui dit quelque chose et à travers ce passage de voix et ce passage d'un art, on va dire, de raconter quelque chose, on va dire, enfin de dire quelque chose, c'est ça qui l'importe. Et peut voir le film, alors évidemment, s'il a vu le film 50, 100 fois, etc., mais quand on voit le film la première fois, ben voilà, ce qui intéresse, c'est ce contact direct. Yeah. If that makes anyone feel better. Voilà, ça vous fait. Elle est mieux, ben voilà. C'est juste, est-ce que vous faites des expositions de planches fixes, en fait, de vos films? Sous plexiglas, par exemple, pour avoir cette partie, entre guillemets. And he's singing. Do you the exhibition? I mean, do you have all this frame and you put it on the, you know? I could. And did you do that before or never? A couple of times, but nothing on a major scale. I always wanted to do installations. I think installations would be nice. You know, I always thought about having a black box where you could walk in and see a lot of films simultaneously. Because I'm beginning to think my films are more like liquid walls than films. You know what I mean? I'm a child of Expo 67, where films and architecture were kind of mixed together. So I imagine that as a liquid wall. So I've been thinking about installation a lot. Donc il a fait ça, pas sur des grandes... Voilà, ça n'a jamais été vraiment énorme, ça n'a jamais été des grandes expositions, mais oui, sur les petites choses, il a pu faire, mais il y pense, ça serait vraiment très intéressant. Voilà. Et en plus, il pense à faire des installations, ce qui en gain serait absolument parfait. Voilà, là, on est en train, des choses qui se passent, comme ça, vous serez. Il pense à faire des installations, et il voit ces films un peu comme des murs voilà, d'eau, comme ça, enfin, qu'on peut voir. Et en fait, quand il se rappelle, il y a toujours, quand il a commencé, en fait, l'idée de mélanger architecture et cinéma a traité quelque chose de vraiment important pour lui. Il imagine bien arriver dans une salle et avoir énormément comme ça d'images autour de lui, en fait d'écrans pardon, autour de lui simultanément qui présente, qui projette comme ça des films. Non, je sais que tu as le micro. Moi, je me demandais si les expérimentations que vous faisiez étaient le support de projection, si toutes les pellicules, j'imagine que c'est du 16 ou du 35, étaient d'abord projetées sur un projecteur 16 ou 35 et après digitalisées, et que du coup ça réduisait peut-être les expérimentations possibles, voire directement scannées. Tu veux dire pas le travail ou ouais, est-ce que ça réduit le fait, est-ce que les pellicules sont projetées déjà et après digitalisées après qu'une fois qu'il est travaillé, une fois qu'il est. Après. Because at the end a lot of time it's going to be digitalized and show like this, not on the real projector. Yeah. Does it? I mean, for you, is it? Do you say in your head, okay, now I'm not going to do that experimentation that way because then we're not going to see it on the screen when it's put in edge in the computer. I think whatever gets scanned on the computer will look exactly like a projector. I really think the digital projections are so good. I cannot tell. I don't think anybody else can either. I mean, if it's in HD, like the film I'm showing is HD. If it was in 2K, I think the DCPs are getting to be so good that, I mean, I'm impressed. But no, I mean, everything that I've sketched, I see on a digital projection. But the thing is, when I'm transferring it, I make sure I sit with the colorist, and I make sure that everybody will see what I've done. You know, and nothing like I open up the frame to make sure that I can see every edge. If that makes sense, it's digital projection is now getting flawless. En fait, non. Pour lui, en fait, l'idée d'une projection numérique. Ça ne change rien en fait, parce que pour lui c'est la même chose. Il va y avoir toujours, Alors ça serait un grand débat, on ne va pas le lancer maintenant, mais il y a toujours, ça vient tellement parfait de ces projections numériques qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte un peu de la, pour lui en tout cas, hein, on ne peut pas se rendre compte de la différence du travail effectué en fait sur la pellicule, et c'est, on arrive à un niveau d'excellence qui est absolument exceptionnel pour lui dans la projection, donc pour lui il n'y a pas de différence. C'est un petit peu... excusez-moi, j'avais oublié quelque chose qui est important. Faut pas non plus oublier ça, en effet. Il se met quand même, quand ça va être digitalisé, il se met à côté de la personne, le technicien qui est là, et il le regarde, et il dit non, ça c'est la bonne couleur, ça c'est... Voilà, donc il vérifie évidemment, c'est pas... Il laisse faire les choses, il est vraiment... We don't have a lot of time, so maybe... So maybe one of the questions was not a nice question, and not interesting one, but still, I know a lot of people, you know, always think, it must be difficult to... have a living with abstract film. So you have really to fight, it's really a fight, to do that kind of film. You mean a fight to have it shown or a fight to make it? To live. Well, I mean, as an example, I can't live, so I have to work. But the work that I've chosen allows this to give birth. Because there's a lot of, I think the luckiest people could be security guards if they can translate all that dead time into creative. So finding a job where there's that ability to, express yourself. Okay, I'm struggling to do other thing. We're gonna show one film. I know we're running late, je sais qu'on est en retard. Je vais vous montrer un film absolument. Je vais essayer de faire un truc parce que je me rends compte que j'ai un film que je n'ai pas sur ça, donc je vais vite essayer de récupérer sur l'autre. We're going to show one film, it's Tigre by Alexandre Roy, first. Just to show, because it's finishing and we have to go, and I just want to show that yesterday we're still doing film, and something interesting you said, it's, of course, somebody was asking you, it's going to be finished in 10 months because... We're doing all digitally now, and and you said, well, we have plenty of film to scratch on. Yeah. So it can go on for 10,000 years. We don't care because there is a lot of footage out there. Yeah. Because people are, everybody's abandoning their film, which means that's more for me. So no, j'ai tout sur le même, donc c'est trop bien. So we're going to see, actually, before Tigre, I'm going to tell you something about something called 24 mensonges par seconde, que certains d'entre vous connaissent, qui a été lancé par Bruno Bouchard. C'est quelqu'un qui décide de donner 10 secondes de pellicule à plein de gens et qui gratte, amateurs, professionnels, ce qu'ils veulent. There is a French guy called Bruno Bouchard, and we just send to people all over the world 10 seconds of animation, and they just scratch, do whatever they want. With a film, and I was lucky enough to have some of my students did that, so we have a little thing that they did. So let's go and see. Up. Oh, si on peut baisser la lumière, merci. Regarde pas, je crois qu'ils vont sentir. Non. Hop, à la baille. Je te jure, maman. Je le sens toujours actif. Quand tu sors pour moi, tes sorties m'appartiennent. Ça te gêne pas? Agis, Barbie. Ils arrivent. Qui ça, lui? Son mari. Tu le connais? Il est marié. Votre tâche. Cette tâche vous est dévolue. Si vous ne trouvez pas le chemin, personne ne le pourra. Oui, Toutou, c'est le surnom que je lui donne. Désolé. Oui? Ça suffit, Alain. Il y en a marre. Je suis plus de temps. Je suis plus de temps. Je suis plus de temps. Je suis plus de temps. 金より出世ですよ。 まあ結局は俺たちの出番。 I hope she acts so funny, like she was gonna stay here forever. And with no clothes? No, I don't like it. It don't make no sense at all. No, no, no, no, no. It don't make. So, donc c'est 24. Ah, yeah. It's cool. So you get to watch a feature film, and you get to watch an anime. That's it. Yeah, and it's going to be a feature film. And to tell you, a lot of my students did that, and some of them also did things from themselves. So I guess Pellicule Gratte. I don't know which one is the one. Ça c'est tien, non, Justine? C'est okay. Donc there is another one by Justine. It's really short. Really short, and another one really short is I know I'm running late. On peut avoir la lumière toujours éteinte. 5 minutes, je vous promets. Dans 5 minutes, je vous libère la salle. Je sais, vous me détestez. Je vous comprends. Je vous aiderai moi-même à faire tout ça. Voilà, qui est de Valentine, mais qui est dans la salle aussi. Voilà, et ça donne ça. Finishing with Tigre, 3 minutes, and on arrête. Et demain, je finis même à 12:30. Okay, we're going to finish with Alexandre, Tigre, 3 minutes. That one I've seen. Thank you. généralement vous amenez à chaque fois un auteur. Et ça veut dire long live to the, abstract film and the handmade film. Merci beaucoup à ce qu'on a eu.